Chapitre 21e. À Saint-Martin. Il est donc vrai que j'y fus conduit. Il est donc vrai que de tous les adolescents le plus précoce, celui qui, plusieurs fois, en certains cas, s'était montré si supérieur à tant d'hommes faits, celui dont les succès galants occupaient encore la capitale étonnée, le chevalier de Faublas, enfin, proclamé fille par un jugement public, se vit enfermé dans une succursale de l'hôpital pour y attendre apparemment le grand jour où le chef de police le ferait, avec 100 compagnes prostituées, transférer à la métropole. Aussi, pourquoi m'étais-je laissé entraîner dans cette affreuse prison? Pourquoi? L'aveu de mon sexe, chez ce commissaire, ne m'eût-il pas attiré une foule de questions auxquelles je me serais vu très embarrassé de répondre? Dans tous les cas, ce moyen extrême ne me restait-il pas toujours et ne devais-je point me flatter que 1000 autres, presque aussi faciles, m'épargneraient le danger de celui-là? Avec de l'adresse et de l'or, je forcerais les portes de Saint-Martin plus facilement que celles de la Bastille. Mais je devais surtout me hâter. Un instant pouvait me perdre. Dans le faubourg Saint-Marceau, devenu pour la seconde fois le théâtre de ma gloire et de mes infortunes, 1000 accidents pouvaient découvrir les traces que le chevalier de Faublas venait de laisser sur son passage. Allons, vite, appelons à mon secours quelques amis. Des amis, je n'ai plus que des connaissances. Rosembert, il me fait un vilain tour, Rosembert, et puis il est loin. D'Erneval est plus loin encore. Madame de B n'est peut-être pas arrivée. D'ailleurs, comment lui donner de mes nouvelles sans la compromettre? Mais mon ami, mon amante, ma femme, c'est à elle qu'il faut mander. Non, Duportail est là, qui sans doute a les yeux ouverts. Il peut intercepter les dépêches et me l'enlever encore, non. Je ne veux pas d'un moyen qui m'expose à me priver de voir ma Sophie. Reste le vicomte de Valbrun. Ce n'est pas à sa petite maison qu'il faut envoyer. Je ne sais pas où est son hôtel. Le commissionnaire s'informera. Écrivons au vicomte. Ce que je vous dis là en 30 lignes, ce fut le résultat de 2 heures de réflexion. Aussi, ma lettre au vicomte n'était pas achevée quand on vint appeler Fanchette. Saisi d'effroi, je ne me décidai qu'avec peine à gagner le premier guichet. Là, je vis une élégante qui, m'ayant jeté 2 ou 3 coups d'œil dédaigneux, m'ordonna d'un ton sec de la suivre. Les portes de la prison s'ouvrirent. Ma fière protectrice monta gravement dans sa voiture et d'un signe de tête m'annonça que j'y pouvais prendre place sur le devant. J'obéis, nous partîmes. Alors, m'adressant à l'inconnu, « Madame, que de remerciements !»« Vous ne m'en devez pas, » interrompit-elle. « Il est vrai que je vous ai tiré de ce bel endroit où vous n'étiez pas trop déplacé, je pense. Mais ce n'a pas été pour vous obliger personnellement, je vous assure. Cependant, madame... « Cependant, mademoiselle, je vous prie de me croire. »« Pourquoi refuseriez-vous le juste hommage ?»« Bon Dieu, cela fait des phrases. Je ne les aime pas, mademoiselle. Ne causons pas ensemble, je vous en prie. » Il y eut un moment de silence, pendant lequel je me demandais tout bas quelle était cette incivile libératrice qui me rendait un si grand service et me traitait si mal. Où m'engagerait cette aventure et ce que j'allais devenir ? La belle dame qui m'avait ordonné de me taire m'ordonna bientôt de parler. « Savez-vous lire ? » me demanda-t-elle. « Un peu, madame. »« Et écrire aussi, tout de même. Vous coiffez ? Les femmes ? Aimez sans doute. »« Assez passablement, madame. Est-ce là tout ce que... »« En voilà assez, mademoiselle. Vous oubliez qu'il ne vous appartient pas de me questionner. » Bientôt, la voiture s'arrêta devant un très bel hôtel. L'inconnu, m'ayant fait traverser des appartements superbes, finit par me livrer à mes réflexions dans une espèce de cabinet de toilette où je restais seul pendant quelques minutes qui me parurent des siècles. Enfin, ma libératrice reparut. Elle m'apportait elle-même des habits qu'elle m'ordonna d'échanger contre les miens, car je faisais horreur, disait-elle. Et sans attendre ma réponse, elle commença par m'enlever mon fichu. « Je me doutais bien, » s'écria-t-elle alors, en plongeant sur ma poitrine un regard scrutateur. Je me doutais bien que quelque défaut secret déparait cette courtisane en apparence si jolie. Fuis donc, ma main n'est pas plus unie que cela. À la surprise qui d'abord me saisit, succéda bientôt un sentiment plus pénible. Cette grande dame, si fière, si impérieuse, et pourtant femme de chambre aussi alerte qu'observatrice expérimentée, m'inquiétait par ses soins autant que par ses remarques, et ne me désolait pas moins par ses bienfaits que par ses duretés. J'essayais de me dérober à ses bons offices. Elle trouva mes minauderies fort impertinentes et ne me tint aucun compte de ce qu'elle appelait les grimaces d'une pudeur banale. Un bout de cordon passait, elle tira très habilement, et du même temps me débarrassa de mon premier jupon. « Bon Dieu, madame, vous abaisserez-vous à servir votre servante ?»« Eh, mais, répondit-elle, si je peux bien en supporter la peine et la honte. »« Madame, je ne le souffrirai pas, je ne puis le souffrir, vous êtes trop bonne. » Est-ce une raison pour que vous vous montriez aussi ridiculement modeste qu'opiniâtre ? Elle parlait avec feu. Cependant, sa langue allait encore moins vite que sa main, de sorte que je vis presque aussitôt, malgré mes précautions trop vaines, tomber ma seconde jupe, hélas, et c'était la dernière. Au moins, il me restait encore une sauvegarde, le petit caraco dont j'espérais n'être pas aisément dépouillé. « Que d'entêtement ! Quelle sotte réserve ! » dit la dame irritée. « Sans doute, si j'étais homme, mademoiselle y ferait moins de façon. » À peine avait-elle dit qu'elle passa derrière moi et sur le champ, d'un coup de ciseau rapide remontant de mes reins jusqu'à mes épaules, elle mit en deux l'infortuné caraco dont il eut demain facile de m'arracher les morceaux. « Oh, vous qui me lisez, jugez de ma peine. Vous voyez d'ici la pauvre Franchette, trop succinctement vêtue et d'autant plus embarrassée que l'unique voile qui lui demeure, ayant été naguère et trop longtemps promené dans les rues de Paris, je ne puis en conscience nier que j'ai besoin de linge blanc. Aussi, l'obligeante personne qui présidait à ma toilette se pressa-t-elle de me jeter sur le visage une fine chemise qu'elle m'ordonna de passer. C'était là surtout l'opération que je redoutais, et pour comble de malheur, chaque instant la rendait plus pressante et plus difficile. Comment la jeune fille excessivement maladroite aura-t-elle jamais, en ce moment le plus critique de tous, la dextérité qu'il faudrait pour cacher à des yeux clairvoyants le jeune garçon trop visible. Le parti que j'ai pris va vous étonner, lecteur. Vous en rirez à mes dépens n'importe. Comme je vous vante quelquefois mes prouesses, il faut aussi vous avouer mes méfaits. Apprenez donc, n'imaginant pas qu'il n'y eût rien de mieux à faire, j'eus la faiblesse de tourner le dos à l'ennemi. Le procédé n'est pas poli, dit-elle. Je vous avoue que voilà d'étranges manières auxquelles on ne m'a pas accoutumé. Au ton dont ces paroles furent prononcées, je crus m'apercevoir que la personne outragée, loin de céder au mouvement de l'impatience et de la colère, ressentait une joie maligne et ne m'épargnait pas l'ironie. Un coup d'œil que je hasardais furtivement me confirma dans cette idée. Je vis qu'on étouffait plus qu'avec beaucoup de peine de grands éclats de rire pressés de s'échapper. Ce fut alors, et c'est encore à ma honte que je l'avoue, ce fut seulement alors qu'il me vint dans l'esprit que depuis un grand quart d'heure j'étais pris pour dupe, que depuis un grand quart d'heure ma protectrice mystifiait tout à son aise un innocent jeune homme qu'elle avait l'air de croire une fille publique. Cette découverte me causait d'abord un dépit favorable, mais je me consolais presque aussitôt, pressentant bien la douce vengeance que me promettait ma mésaventure. « Ah, qui que vous soyez, m'écriai-je, vous n'êtes pas faite pour de telles incivilités. Oui, j'en suis sûr, vous ne devez pas être plus accoutumée à les souffrir que je ne le suis moi-même à me les permettre. Et c'est bien sincèrement que je vous en demande pardon. Pardon » répéta-t-elle en riant enfin de toutes ses forces. « Mais si cela ne s'accorde qu'à l'audace, pensez-vous l'avoir mérité ?»« Assurément non, » répliquai-je un peu étourdi du reproche. « Eh bien donc, » reprit-elle avec une force d'esprit peu commune, « j'attendrai qu'une véritable offense. » Je ne lui laissai pas le temps d'achever. Son air, ses discours et surtout son maintien, où respirait une rare assurance, tout en elle se réunissait pour étonner le plus intrépide, mais ensuite pour donner du cœur au plus timide. Aussi, me précipitant devant elle, dans cette humble et redoutable posture, si commode à l'amant, si menaçante pour la maîtresse, je lui fis, du ton le plus décidé, cette déclaration d'amour et de guerre. « Ma foi, j'ai peur que vous n'attendiez pas longtemps, madame. » Sans s'émouvoir, elle répliqua, « Quoi que vous puissiez dire, je ne dois pas vous croire téméraire. D'ailleurs, Je vous préviens que je ne suis pas de ces femmes qui s'effraient sur parole. Ce sont les beautés faibles qui croient à toutes les menaces. » La réponse était claire. Il ne fallait rien moins que des effets à cette dame. Je ne pouvais plus raisonnablement douter qu'elle savait à peu près qui j'étais, que le danger de ma présence et de mon accoutrement si simple ne l'étonnait nullement, qu'enfin le chevalier de Faublas pouvait sans indiscrétion et devait même se montrer. On l'accueillit avec une grâce infinie. Son triomphe complet ne fut disputé que justement autant qu'il le fallait pour qu'il le pût trouver encore de quelque prix. Cependant, j'étais au sein de la victoire lorsqu'une importune voiture fit gémir le pavé de la cour. « Déjà le vicomte, » dit mon inconnu, « dépêchons-nous. » Et ma fière protectrice, qui n'avait apparemment nulle envie qu'on sût de quelle manière elle plaisantait avec ses protégés, ne se bornait pas à réparer son désordre. Elle me faisait signe de ramasser mes hardes éparses et de me jeter dans un cabinet voisin. Je venais de m'y précipiter lorsque l'importun cavalier, dont la prompte visite m'y reléguait, entra. « Il est là, qui change d'habit, » lui dit-elle. « Sans le secours de votre femme de chambre ? » demanda-t-il. Elle répondit. « S'il ne peut s'en passer, nous l'appellerons. Mais pourquoi, tant qu'il n'y aura pas une absolue nécessité, mettrions-nous un tiers dans son secret ?» Alors il vint à moi. C'était M. de Valbrun. « Bonjour, mon cher Faublas, » me dit-il en m'embrassant. « N'êtes-vous pas content du zèle que Mme la baronne de Fontrose a mis à vous servir ?»« Content ? » m'écriai-je. « Mais c'est en vérité trop peu dire. »« Ah, je l'ai bien inquiété, votre cher Faublas, » interrompit-elle en riant. « Demandez-lui ce qu'il en pense. Demandez-lui si je n'ai pas déjà commencé la vengeance de mon sexe. Allons, gentil chevalier, » ajouta-t-elle, « point de rancune. Ne voyons moi qu'une fée secourable qui vient de vous enlever à des enchanteurs. Et dès que vous serez rhabillé, « venez respectueusement, en signe de reconnaissance, me baiser la main. » Tandis qu'elle parlait, je la regardais à travers une vitre. Son maintien avait tout d'un coup tellement changé qu'il n'y régnait plus qu'une dignité froide, et le calme parfait de sa figure semblait annoncer l'absence de toutes ses passions. Je vis que Madame la baronne était excellente comédienne, mais quelque plaisir que je trouvasse à la considérer dans son nouveau rôle, je ne pus lui donner qu'une courte attention. Tout cet accoutrement féminin dont il fallait m'affubler encore ne me causait pas un léger embarras. C'était pour moi l'ouvrage sans fin. Je crois qu'il aurait duré jusqu'au soir si Madame de Fontrose n'était venue, sur l'invitation réitérée du vicomte, m'aider à l'achever. Ensuite, et toujours pour obliger le vicomte, elle poussa la complaisance jusqu'à réparer de sa noble main le désordre de ma chevelure. Elle me coiffait encore quand je m'écriai « Monsieur de Valbrun, partons. »« Pour aller où ?»« Voir Sophie. »« Sophie est-elle à Paris ?»« Dans ce faubourg même, au couvent de X, rue Z. »« Tant mieux. »« Mais pour un instant, modérez votre impatience, écoutez-moi. »« Je dois vous dire ce que j'ai fait et prendre avec vous des mesures pour ce qui me reste à faire. »« Vous devez, monsieur le vicomte ?» Moi, j'aurais dû commencer par vous assurer de toute ma reconnaissance. Êtes-vous jaloux de me l'approuver ? N'en doutez pas. Eh bien, faites-moi le plaisir de m'entendre. De tout mon cœur, mais partons. Quelle pétulance ! De grâce, écoutez-moi. Ma Sophie, nous en reparlerons tout à l'heure. Chevalier, au milieu de la nuit dernière, je suis revenu à ma petite maison comme je vous l'avais promis. Justine, en me racontant ce qui s'était passé, m'a donné de grandes inquiétudes pour vous. Ne sachant ce que vous alliez devenir, et voulant demeurer à portée de vous donner quelques secours si l'occasion s'en présentait, j'ai pris le parti de rester avec Justine. Cette petite, qui me paraît vous aimer beaucoup, était continuellement à la fenêtre de la rue. Deux fois dans la matinée, elle a cru vous voir sous deux habits différents. Il y a 2 heures enfin, elle m'a crié que le garde vous emmenait, qu'elle vous reconnaissait très bien. Malgré votre nouveau travestissement. Aussitôt s'est mêlé dans la cohue qui vous suivait un fidèle émissaire chargé de revenir le plus tôt possible m'apprendre ce que vous seriez devenu. À son retour, je n'ai pas été moins enchanté que surpris de savoir qu'un jugement ténébreux venait d'envoyer la prétendue Fanchette à Saint-Martin. Aussitôt, j'ai volé chez Madame de Fontrose. Moi, d'abord. interrompit-elle. Je ne pouvais que m'intéresser beaucoup au sort d'un jeune homme tel que vous. J'ai couru sur le champ vous réclamer à l'hôtel de la police, et vous savez quel prompt usage est fait du mandat qui ordonnait votre liberté. Madame, recevez tous mes remerciements. Monsieur de Faublas, reprit le vicomte, écoutez-moi jusqu'à la fin. Sophie m'attend. Bientôt nous parlerons d'elle. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Pendant que Madame la baronne allait à la police, je retournais au faubourg Saint-Marceau pour y prendre des informations. Il n'y a plus question de Dorothée, on ne parle partout que du chevalier de Faublas. Comment, déjà? Pouvez-vous en être étonné? La déclaration de je ne sais quelle sœur Ursule, qui a, dit-elle, été maltraitée par les ravisseurs de la religieuse, ne prouvait rien contre vous. Mais ce qui a tout découvert, c'est la plainte qu'a rendue certain monsieur de Flourvac, qui dit avoir été attaqué dans l'enclos des magnétiseurs par un jeune homme qui se sauvait en chemise et l'épée à la main. C'est la résistance qu'a faite aux officiers de la police Madame Leblanc, qui a mieux aimé laisser enfoncer la porte de son appartement que de l'ouvrir. C'est enfin la déposition que s'est vu forcée de faire la vraie Fanchette, qui, revenue dans son taudis, y a été interrogée sur faits et articles. Le concours de tant d'événements extraordinaires vous a trahi. Les plus étonnantes aventures ont été mises sur le compte du plus étonnant jeune homme. Dans 2 heures, peut-être, on ira vous chercher à Saint-Martin pour vous transférer à la Bastille. Madame sera sans doute inquiétée, mais elle est bien avec le ministre. Qu'on ne vous trouve pas, je suis tranquille sur tout le reste. Les amis du comte de Lagé, que l'un de vos seconds a tué, sollicitent vivement sa vengeance. Mais j'ai des amis aussi. Je jouis de quelques crédits. Nous pourrons assoupir cette affaire. En attendant, je veux voir ma Sophie. Dussé-je me perdre? Vous vous perdrez sans la voir. Sans la voir. Si vous osez faire un pas au dehors, vous êtes arrêté. Il ne faut pas douter que tout ce que la police a de plus vigilant suppôt ne soit aujourd'hui sur pied. De grâce, attendez quelques jours. Quelques jours? Les jours sont des siècles. Les trouveriez-vous moins longs dans une prison d'État? Et lorsqu'on vous aurait enlevé jusqu'à l'espérance de revoir votre maîtresse? Elle est ma femme, monsieur le vicomte. La baronne nous interrompit. Chevalier, si tout ce que l'on dit d'elle est vrai, je vous en félicite. Très vrai, madame. On chercha longtemps avant d'en trouver une qui méritât d'être adorée comme elle. Je vous crois. Une qui fût plus digne de la tendresse et des respects de son heureux époux. Chevalier, reprit le vicomte, permettez. Une qui, de grâce, le temps est cher, prenons en parti. Promettez-moi de ne pas vous exposer. Hélas, je ne la verrai donc pas aujourd'hui. Songez que votre affaire peut maintenant s'arranger, mais que si vous étiez une fois prisonnier, je ne répondrai plus de rien. Chevalier, vous réfléchissez. Eh bien, vicomte, vous me voyez pénétré de reconnaissance. Dans un temps plus heureux, je n'en aurai pas moins et je saurai l'exprimer mieux. C'est dès aujourd'hui, vous en donner une preuve, que de me rendre à vos conseils. Monsieur de Valbrun, réglez ma conduite, j'obéirai. Chevalier, je ne puis maintenant vous offrir un asile chez moi parce qu'on viendra sûrement vous y chercher. Pourquoi monsieur ne restera-t-il pas ici? Dit aussitôt la baronne. Parce qu'il n'y serait guère plus en sûreté, madame. Vous croyez, vicomte? Mais je vous le demande à vous-même, qu'en pensez-vous? Moi, je ne vois pas trop. Quoi, madame, après la démarche que vous venez de faire? Oh, mais vicomte, vous m'étonnez, madame, répliqua-t-il encore avec un peu d'humeur. Au reste, si vous voulez absolument garder le chevalier, je ne m'y opposerai dans ce moment-ci que par intérêt pour lui. Vous savez que je ne suis point jaloux. J'aime, cependant, lui répondit-elle, le petit ton piqué dont vous le dites. Il prouve que vous avez pour moi plus d'attachement que vous n'en voudriez laisser paraître. Messieurs, ajouta-t-elle, il est tard. Passons dans la salle à manger, où nous ne resterons pas longtemps, et, pendant le dîner, chacun de nous trois voudra bien rêver au moyen de sauver cet aimable cavalier, l'ami de toutes les femmes et l'amant de la sienne.